Question 34. Je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tournez à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.